RMP, il est 19h05 pour la 5e ou 6e émission de Blue Dot Roots et pour 2 heures de reggae. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, comme l'a dit Stéphane, mon compère, une émission spéciale reggae. Spéciale reggae, notamment dans l'actualité, comme vous le savez, ou on vous l'apprend, le reggae était classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO le 29 novembre 2018. Donc, le reggae qui est parmi, donc, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parmi la pizza napolitaine, parmi le repas gastronomique français, parmi le savoir-faire des parfumeurs en pays de grâce, et les fêtes de Parandas à Cuba, pêle-mêle, on vous cite. Donc le reggae donc est un exclusivement, entre guillemets, jamaïcain, même si on va voir dans la musique, toute la musique qu'on va vous passer durant cette soirée, qu'elle est de différentes nationalités. Et donc ce qu'on va présenter dans le reggae, c'est la culture musicale, ses codes, sa langue, sa philosophie, sa danse, ses modes de production et tous les concerts qu'on va pouvoir qui ont été présentés notamment qu'on a pu voir depuis les années 60. Oui, oui. On verra aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup de distance entre le thème de l'émission qui est la musique afro-américaine et le pourquoi d'où elle vient et ce qu'elle exprime et le reggae qui a les mêmes la même expression, c'est-à-dire une dimension spirituelle religieuse, une dimension c'est la musique des ghettos. Tout à fait. Je crois que ils le revendiquaient assez souvent, donc une musique contre l'oppresseur, etc., etc. Et on verra aussi que musicalement, eh bien, si on prend un arbre avec les racines, on est sur le jazz, sur le blues, et il y a des branches, et ben c'est le reggae parce que ça vient de là aussi, quoi. Donc on verra tout ça au fil de l'émission. Tout à fait. Et là, on va envoyer deux morceaux, justement, qui reprennent ces deux parties. Un morceau avec un côté un peu plus spirituel. Donc, c'est le Third World qui nous chante une chanson. On en reparlera après. Je vous explique un peu de quoi elle parle. Donc, c'est la dimension spirituelle. Et puis, on enchaînera avec les Toots. Tu veux dire un petit mot sur The Mitals, bien sûr. L'un des premiers groupes jamaïcains qui a introduit le mot « reggae ». Nous allons le voir avec une chanson, c'est pas celle qu'on va écouter, mais une chanson très connue qu'on pourra présenter après. Bonne écoute. give it to me two times. Give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, no, no, no, no. Oh, la la di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di. On va revenir vite fait sur la première chanson donc de Fireball, qui à la base était jouée par un groupe qui s'appelait The Abyssinian. Donc là, on est vraiment dans le côté Rastafari, c'est-à-dire Abyssinian, c'est l'Abyssinie, c'est le premier État considéré comme le premier État africain, enfin en Afrique, libre. Et il faut savoir que cette chanson, le refrain est chanté en ampharique, qui est une ancienne langue sémitique, donc... Proche-Orient, qui est parlé en Éthiopie. Donc là, on est sur le thème vraiment Rasta, on en reparlera au fur et à mesure, qui est le côté de retour en Afrique, le côté religieux, qui considère qu'en fait le prophète Jah, porté par l'empereur Selassie, Rastafari, enfin, toute cette notion... Le dernier empereur éthiopien, tout à fait. Voilà, donc ça, c'était le côté un peu spirituel. On y reviendra parce qu'on va vous passer, mais je vous en parle après, on va vous passer deux chansons, enfin, je vous en parle maintenant, en fait, trois chansons sur vraiment Rastafari. Avant, on vous a un peu menti, l'émission n'est pas dédiée pendant 2 heures au reggae. Tu nous en dis plus, Julien ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Hugues Foka, qui est l'organisateur d'un festival, donc Terre de Festival, qui a lieu à Poucharamé, dont c'est cette année le 10e anniversaire. Donc on est heureux de l'accueillir. Donc c'est un festival jazz. Donc là, c'est en lien avec toute l'émission Blue Dat Roots. Vous verrez, nous allons passer des musiques jazz les prochains mois. Donc c'est un festival qui a lieu du 6 au 14 avril à Poucharamé et dans des communes aux alentours. Et donc les thèmes qui vont être abordés, notamment notre compère Pierre-Julien. Il y a Benoît qui est aussi au platine ce soir, on le salue. Et donc Pierre-Julien va faire une interview donc, auprès de Hugues Foka. Et les thèmes qui sont abordés lors de ce festival vont être les femmes dans le jazz, le saxophone, et un hommage à Guy Lafitte, qui est un grand joueur de jazz de la région. Donc voilà, donc à 19h45, il y aura une interview D'à peu près une demi-heure, c'est ça ? Une demi-heure à peu près, ouais. Où il y aura de la musique qui sera présentée également en lien avec ce festival. Voilà, donc en fait, pendant une demi-heure, on retournera aux origines, aux roots, aux racines, à nos racines de l'émission sur la musique afro-américaine, et après on repartira sur du reggae. Là, on revient sur le côté Rastafari, avec on va vous passer 3 morceaux. Les 2 premiers, c'est des groupes, donc on va avoir Ijaman, donc Jah, c'est l'abréviation de Jéhovah, de Dieu, et c'est même Ijaman Levy, le chanteur. Le deuxième groupe, Burning Spear, qui a été l'un des premiers groupes de reggae à parler de Marcus Garvey. Alors Marcus Garvey, on refait le lien avec le côté afro-américain. Marcus Garvey, on en avait parlé quand on avait parlé de blues. C'est ce Jamaïcain qui est émigré aux États-Unis entre les deux guerres et en fait qui a développé le mouvement qui est devenu après Rastafari, enfin une partie, qui était l'idée de dire, face à l'oppression des afro-américains, il prenait le retour à la terre, c'est-à-dire le retour en Afrique. Donc il y avait 2 mouvements, il y avait ce mouvement-là, il y avait le mouvement qu'on avait vu qui était pour les citoyens américains, l'intégration des citoyens aux États-Unis. Le rejet de Babylone notamment. Alors ça c'est, ouais, là, c'est la dimension religieuse. Et donc Marcus Garvey, dans cette dimension religieuse, apparaît comme le prophète, le premier prophète du mouvement Rastafari, parce que c'est lui qui apprenait le retour en Afrique. Donc ces deux groupes parlent de Marcus Garvey, et le troisième groupe, Julien en parlera après. De Max, c'est un artiste, Romeo. Max Romeo, oui, dont on va écouter... Un titre parmi les 3 qu'on va écouter. Voilà, donc DJ Stagiaire va envoyer Ijaman, Burning Spear et Max Romeo. In the name of heroes, I hear Marcus Garvey. Born in Jamaica, in my culture country. Messiah Gabby, born in Jamaica, Teacher, proud to be. by love. prescription for me. She's the one, the only remedy. Blue Dot Roots, spécial reggae avec un soupçon, une petite demi-heure de jazz, voire de jazz local. On revient sur la notion de Rastafari. Alors, Rastafari, c'est Ras, ça veut dire tête, seigneur, enfin le commandant, quoi. Et Tafari, c'est en fait celui qui sera craint. Donc, on est dans une dimension purement religieuse. Il ne faut pas perdre de vue, un peu comme le jazz, le blues, la notion de, religieuse du mouvement. Il faut savoir que pour. Les Rastafari se considèrent comme les descendants de Salomon et de la reine de Saba, donc se considèrent comme les, une des tribus juives d'Israël, la tribu enfin, des juifs noirs d'Israël. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu... On ne va pas aller plus loin sur le côté religieux du mouvement. Il faut savoir que ça a quand même son importance. Alors après, ils ont des préceptes. Rastafari, il y a des choses qui sont... alors, par exemple, les dreadlocks, les cheveux qui ne se coupent pas, ça fait référence au lion de Judée. Voilà, la crinière, il y a des choses comme ça. Alors la ganja, qui est un peu l'hostie du mouvement Rastafari, choisissez votre camp. Mais ici, ce soir, nous n'écouterons que de la substance licite, de la musique reggae. Mais bon, il faut savoir quand même, c'est la substance licite, mais il faut savoir que c'est une manière de communier avec le Seigneur pour le... Les Rastas, on va les appeler les Rastas. Bon, après, voilà, il y a d'autres idées. Notamment, ils étaient un peu en avance sur le côté nourriture, c'est-à-dire nourriture, ils mangeaient que ce qui était bio. Produit par la terre. Alors, il y a un film qui vaut ce qu'il vaut, mais qui s'appelle Countryman, avec une très bonne BO, et qui montre un peu les premières idées, c'est-à-dire que ça commence par une chanson Bob Marley, Natural Mystic, il est sur sa barque, il va pêcher le poisson, qu'il mange. Il se nourrit spirituellement aussi. Mais voilà, c'est un peu tout ça le mouvement Rastafari. On ne va pas aller plus loin sur l'idée. Il faut savoir, pour conclure le mouvement Rastafari, le prophète, c'est donc l'empereur d'Éthiopie, Selassie Ier. Et notamment par rapport à ça, on va écouter deux musiques, enfin deux chansons de Bob Marley, notamment ouais. L'icône du reggae. Donc il y en aura deux musiques, et la deuxième ce sera Ion Lion Zion, voilà, qui est mondialement connu. Donc les paroles sont liées aux croyances du mouvement Rastafari. Donc Zion va désigner la terre qui est promise, donc tout le périmètre autour de l'Éthiopie, et Lion désigne le lion de l'Éthiopie qui était sur le drapeau de l'Éthiopie, qui a été modifié depuis. Le lion de Judée. Et il faut savoir, alors je te coupe, qui représente Haïlé Selassie, notamment ce lion de oui, qui est le Messie. Et il faut savoir que dans l'idée de Zion, c'est Sion. Et donc, la référence biblique, c'est aussi Babylone. On a souvent, dans les chansons Rasta, on parle de Babylone. Babylone traitait les Juifs d'une certaine manière. Et les Rasta considèrent que le monde occidental comme Babylone traitait les Juifs. C'est-à-dire, c'est un mouvement... on est à la fois sur le côté mystique et sur le côté oppression. Ils se considèrent oppressés par le monde occidental, comme les Juifs ont été oppressés par Babylone. Et leur voix... la voie pour aller, c'est aller à Sion, c'est aller à Zion. Donc voilà, c'est un peu tout ça dont parle Bob Marley, dont parle Selassie. Selassie qui avait fait un discours en 1963 à la tribune de l'ONU. Alors Julien, vous allez un petit extrait. Donc le discours que Haïlé Selassie a prononcé devant l'ONU. Donc tant que la philosophie qui fait la distinction entre une race supérieure et une autre inférieure ne sera pas finalement et pour toujours discréditée et abandonnée, tant qu'il y aura encore dans certaines nations des citoyens de première et de seconde classe, tant que la couleur de la peau d'un homme n'aura plus de signification et que la couleur de ses yeux. Tant que les droits fondamentaux de l'homme ne seront pas également garantis à tous sans distinction de race, jusqu'à ce jour, le rêve d'une paix durable, d'une citoyenneté mondiale et d'une règle de moralité internationale ne restera qu'une illusion fugitive que l'on poursuit sans jamais l'atteindre. Et donc, toutes ces paroles qui ont été prononcées dans, donc à travers ce discours d'Haïlé Sélassié devant l'ONU sont reprises par Bob Marley dans sa chanson War qu'on va écouter de suite. Well, everywhere is war. It's your war. And don't tell. Alors, comme l'a annoncé Julien tout à l'heure, donc on reçoit ce soir Hugues Foca pour nous présenter le festival Terre de Jazz. On attendait ce moment. Hugues Foca, bonsoir. Bonsoir. Jingle. Donc, alors, ce festival Terre de Jazz, on vous attendait ce soir pour nous le présenter. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Qu'est-ce que c'est le festival Terre de Jazz ? Alors, festival Terre de Jazz est né en 2009 par la volonté d'une poignée de personnes amoureuses du jazz et un réseau de bénévoles. C'est un festival qui se passe du 6 au 14 avril. 2019 sur plusieurs communes, parce qu'on a un festival qui est itinérant et on va aller Le Fousseret, Poucharamé, Pessis, Muret, Sainte-Foy-de-Pérolière. D'accord. Poucharamé qui est un peu le cœur battant du festival. Voilà, parce que l'association, le siège est à Poucharamé. Voilà, donc c'est un festival qui est profitable aux communes et aux commerces. Et voilà, notre désir est toujours été de développer cette manifestation en jouant sur ces points forts pour faire un outil de diffusion du jazz. Alors en plus, c'est une année un peu spéciale pour le festival Terre de Jazz. Vous fêtez quelque chose. Voilà, cette année, c'est les 10 ans du festival Terre de Jazz. Et on a voulu marquer le coup par un concert spécifique. Dont on parlera dans quelques instants. Alors, un des axes de Terre de Jazz, c'est également valoriser un certain type d'artistes. Les artistes régionaux, en fait. Oui, c'est un peu notre leitmotiv. On essaye de mettre en valeur et de faire travailler les artistes qui font vivre le jazz sur Toulouse. Parce que nous avons de la qualité. D'ailleurs, la plupart des artistes que nous avons reçus sont passés sous le chapiteau à Marcillac. Et donc, on essaye d'avoir cette logique. Vous avez une exposition médiatique, à ce que j'ai cru comprendre, même au niveau national, jusque dans la revue, dans la presse spécialisée. Oui, dans la presse spécialisée, on a eu la chance d'avoir dans le public un chroniqueur de jazz qui est reconnu et qui nous a fait des articles sympas sur Jazz Magazine, par exemple. Voilà. Donc en plus, adoubé par la presse, c'est magnifique. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre que ce festival Terre de Jazz, pour son 10e anniversaire, vous alliez tourner autour de trois thèmes principaux qui vont un peu jalonner cette expérience qui s'inscrit dans un territoire par ailleurs. Le festival a trois bases cette année, c'est le saxophone, donc de l'hommage à Guy Lafitte, et les femmes dans le jazz, parce que nous avons trois concerts où des femmes vont se produire. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un mois de ça, on organisait justement une émission sur les femmes dans la musique afro-américaine. On s'était rendu compte qu'en fait, on avait passé exclusivement des artistes masculins. On s'est rattrapé donc il y a un mois sur les femmes dans la musique afro-américaine. Ouais. Qu'est-ce que vous allez proposer pour valoriser les femmes dans le jazz ? Nous avons donc un concert, nous avons en particulier, là c'est le vendredi 12, où nous recevons Amaury Faye, qui va inviter Carla Gaudré, qui est une saxophoniste. Nous avons aussi un autre concert, on reçoit Lisiane Skylar Trio, le 9 avril, à la cave de Pays-6. Et nous avons le dimanche 14, Rosa Parks, qui va faire un hommage aux ladies du jazz. Alors Rosa Parks, vous aurez noté le nom... Le nom du groupe, cette femme qui avait refusé à l'époque de céder sa place à un blanc dans un bus en fait, et qui avait un peu déclenché le mouvement des droits civiques avec Martin Luther King qui avait été un relais politique pour tout ça. Exact. Ok, deuxième thème est important également, donc c'est les instruments dans le jazz. Nous, on l'avait vu un petit peu aussi précédemment dans Blood at Roots. C'est que en fait, les instruments européens, quand ils se retrouvent à traverser l'Atlantique et qu'ils se retrouvent dans les mains de néophytes, ça crée des choses assez uniques. Voilà. Le saxophone était créé par un Belge. De trois instruments, il a voulu en faire un. Hein. Il a mélangé la trompette, la clarinette et la flûte traversière, si j'ai bonne mémoire. Et pour gagner ses lettres de noblesse et l'aura populaire, l'instrument a dû traverser l'Atlantique pour être adopté par le jazz dans cette communauté afro-américaine qui lui a donné ses lettres de noblesse. Par contre, le jazz, lui, il a créé la batterie. Mais là, c'est un autre Absolument, domaine, ouais. puisque ouais. en mélangeant les percussions, les cymbales, etc. Voilà. D'accord. Alors, du coup, autour du saxophone, il va y avoir également un certain nombre de concerts qui vont... D'ailleurs, ce sera l'un des instruments un peu phares du festival. Oui, oui, sachant que bon, le festival, le plus grand défi d'un festival à relever, c'est pour toute manifestation culturelle, je dis, hein, et de s'inscrire dans la durée. Et moi, je voulais mettre un accent particulier, parce que j'ai l'antenne. Si on arrive à ce 10e anniversaire, c'est grâce au public qui est resté fidèle, aux bénévoles, aux musiciens et aux partenaires, que ce soit les collectivités locales ou les partenaires privés. Voilà, ça, c'était un petit hommage. Et puis notre festival a aussi pour vocation d'être le reflet de son époque. C'est tout en continuant de mettre en valeur la grande tradition du jazz américain ou européenne, hein, puisque Gilafix était européen. On en reparlera. Notre programmation entend promouvoir une définition élargie de cette musique. C'est pour ça que là, cette année, parce que le jazz c'est une hire, c'est un peu comme l'animal mythique à cinq têtes. Quoi. On part du negro spiritual en passant du swing, le blues, le bebop, etc. Hein. Et donc cette année, on a ciblé de faire du jazz de 1930 à nos jours. D'accord. Voilà. Donc on commence le festival par le samedi 6 avril à Le Fousseret, à Salle Picon, à 20h30. On reçoit Doug Davis et The Blue Rocks. Doug Davis, c'est un saxophoniste gallois qui a fait plus de 20 albums, qui a partagé la scène avec pas mal de vedettes de rhythm and blues. Et pour ce concert, pour nous, il a voulu marier l'instrument mythique qui est l'orgamon avec son sax ténor. Et il est entouré par trois musiciens de niveau national, international et qu'on voit souvent sur le plateau de télévision. En particulier David Kiro qui est au sax bariton, Thierry Ollet qui est à l'orgue et André Neufer qui est à la batterie. Donc on aura des choses un peu original, etc. Voilà, et plus moderne également. En fait. Voilà, leur univers, c'est l'univers 1930-1950, c'est l'univers de Louis Jourdan, de Louis Prima, hein, et un peu du sac de Sam Bureda. Voilà. Donc c'est l'âge doré du jazz, bon, moi j'aime bien voir le jazz sous cet angle-là, qui faisait le bonheur des danseurs. D'ailleurs, Drew Davis passe souvent au caveau de la Huchette. Et j'aimerais qu'on retrouve sur scène cette ambiance de cave à jazz. D'accord. Je pense qu'on va passer une très très belle soirée. À la bonne heure. Alors, il y a un truc qui m'a un petit peu marqué aussi, parce que nous, on aime bien un peu expliquer. Bon, on n'est pas puriste ni historien, mais par contre, vous allez recevoir un invité de marque qui va présenter la batterie aussi à travers l'histoire du jazz. Oui, le lundi 8, à la Maison de la Terre, à Poucharamé. On va recevoir Christian Toton-Salout, qui est un musicien majeur sur Toulouse. Bon, il a fait tous les festivals mondiaux, New York, Marcillac. Mais surtout, c'est un pilier de Toulousain, parce que la cave à jazz de Le Taquin, c'est lui qui fait les jam sessions, c'est lui qui reçoit. Donc, il a aussi bien joué dans les caves toulousaines en recevant son listite à l'époque que la semaine dernière, où il y a 10 jours, les frères Belmondo. Il vient en trio avec Julien Dutu à la contrebasse, et Thibaut Dufroy, qui est au piano. Voilà, je pense que ce sera une belle soirée là aussi. Il va faire l'illustration de l'histoire de la batterie à travers quelques-uns de ses maîtres. D'accord. Eh bien, on a hâte d'assister à cette soirée. En attendant de rebondir sur le thème majeur un peu de cette... de ce dixième anniversaire de Festival Terre de Jazz, on va écouter Blue and Sentimental de Paul Chéron, qui d'ailleurs se produira, et on rebondira sur Guy Lafitte dans quelques instants. D'accord. Blue and Sentimental de Paul Chéron. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Monpaïs, il est 20h01 et nous sommes toujours avec Hugues Foca qui vient nous présenter le festival Terre de Jazz. Hugues Foca, quelques mots peut-être sur ce morceau de oui, Paul Chéron. Oui, c'était l'album personnel que Guy Lafitte a fait en 1954, par lequel il a obtenu le prix Django Reinhardt, qui a été salué par la presse et en particulier par Boris Vian, qui rédigeait des articles sur Jazzot. Mmh. Il y a son timbre chaud et puissant, sa sonorité généreuse et l'excellence de son phrasé. Comme c'est un morceau que Guy Lafitte jouait dans tous ses concerts, et Paul Chéron va le reprendre, parce qu'il a la même sonorité que Guy Lafitte, pour cet hommage. Alors si je comprends bien, cet hommage à Guy Lafitte, c'est un peu le point d'orgue, si j'ose dire. Point d'orgue à monde, peut-être, voilà, c'est le, de ce festival Terre de Jazz. Alors, c'est le phare, c'est le concert phare du festival. Alors, qui était Guy Lafitte ? Est-ce que vous pouvez nous présenter le personnage en quelques mots ? Oui, bon, Guy Lafitte, il est né en 1927 à Saint-Gaudens. Il était engagé très jeune dans le maquis. Donc, ça a été un résistant pendant la Grande oui, Guerre. Oui, voilà, alors. Ça. Et c'était une génération qui apprenait sur le tas. Donc, lui, il a fait les balles, tout à fait au début. Mm-hmm. Et c'est une école d'humilité. Parce qu'au début, il jouait de la clarinette et il adopte le saxophone ténor en 1947. Mmh. Et c'est à l'époque, où, dans le sud-ouest, où le jazz battait son plein, parce que nous avions comme voisin qui habitait Montauban, Hugues Panassier, qui a été le premier journaliste à donner ses lettres de noblesse au jazz, mmh, avec Delaunay. Et Hugues Panassier avait une vie active sur Toulouse, il y avait Radio Toulouse, il y avait pas mal de concerts, il y avait des cinémas, il y avait... les caves, il y avait le café des Américains, l'Albrecht, le Grand Hôtel, tout ça. Mmh. Il y avait une vie très, très, très active. Et grâce justement à Hugues Panassier, Guy Lafitte a rencontré Bill Bronzy, puis Milton Mezmezro, et puis Bill Coleman, avec qui il a été un peu au départ de Jazz et Marciac. Alors pour ceux qui nous suivent dans Blood at Roots depuis quelques temps et qui ont pu écouter les émissions sur le blues, Big Bill Bronzy, c'est un des artistes qu'on vous a fait écouter et que Guy Lafitte a accompagné en fait pendant sa tournée en France, oui, dans laquelle d'ailleurs Big Bill Bronzy lui-même se présentait comme le dernier bluesman vivant. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Oui, c'est bien. Alors du coup, cet hommage à Guy Lafitte, comment est-ce qu'il va s'organiser ? Est-ce qu'il y a des concerts particuliers qui se préparent ? Non, si vous voulez, Guy Lafitte a vécu sur les terres du Savès. Alors, le territoire du Savès, il est à cheval entre le Gers et la Haute-Garonne. D'accord. Donc là où on fait le festival, on est à 30 km de Tournan où il repose. Et justement, avant de programmer ce concert, on a été voir le maire de Tournan, Jean-Luc Mimoni, mm-hmm, par respect d'abord, et puis parce que le jazz s'est fait de rencontres et de partages, mm-hmm, pour l'inviter à notre hommage. Et lui-même est en train de faire un auditorium de 150 places qui va terminer d'ici la fin de l'année et qui va s'appeler Guy Lafitte. Donc on pouvait... C'était l'occasion idéale de faire cet hommage, voilà, à Guy Lafitte. Alors peut-être qu'on va présenter rapidement le style de musique de Guy Lafitte. Vous pouvez peut-être nous parler de Wild and Spicy, son morceau alors, qu'on va écouter. Alors, Guy Lafitte considérait son album Sugar and Spice. Oui. C'était le seul qui avait grâce à ses yeux, parce que vous avez transpiré l'amitié, et l'amitié pour lui c'était sacré. Mmh. Et dans ses artistes, il y avait François Guin, qui avait son groupe, il y avait quatre trombones, mmh, qui a aujourd'hui 81 ans, qui a fait le tour du monde avec Charles Aznavour, qui a accompagné Johnny, Brel, Brassens, Duke Ellington, Roy Ridge. On parle de grand monsieur, là. Et ce monsieur nous fait l'honneur de ressortir les arrangements de cet album, mm-hmm, pour cet hommage à Guy Lafitte. D'accord. Voilà, c'est un événement unique dans la région, et on est très fiers. Et qui s'inscrit encore une fois, mm, dans un territoire en dur. Tout de suite, Wild and Spicy. Et on se retrouve tout de suite après. Mmh. C'était Wild and Spicy, donc on est toujours avec Hugues Foka qui nous présente toujours le festival Terre de Jazz. Quelques mots à dire sur la programmation peut-être Alors, en particulier le mardi 9 avril, nous donnons un concert, comme dans chaque édition, chez un commerçant. Et là, on a choisi d'aller à la cave coopérative de Paysis. C'est une cave qui est tenue par l'AGIAS, l'Association des jeunes handicapés, qui a son siège à La Hague. Et ils ont pris cette cave où ils ont pour intégrer les jeunes en situation d'handicap dans des métiers de la vigne et de la cave. D'ailleurs, ils ont embauché un œnologue et un maître de chai. Et en coopération avec des vignerons professionnels, ça permet aux jeunes de s'intégrer. Voilà, je trouve que c'est une très belle action et on est très content d'y aller. Et en plus, vous allez assister à un concert gratuit de Lisiane Skylight Trio et dégustation de vin. Autrement, les vins de la cave à déguster avec modération. Lisiane Skylar Trio, d'ailleurs, qui viendra se produire très certainement le mois prochain dans Blood at Roots. D'accord. Alors du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que encore une fois, on s'inscrit dans un territoire, il y a une vocation un peu sociale. Et surtout, ce festival Terre de Jazz, il s'inscrit dans un processus un peu plus large. J'ai cru comprendre que c'était la Maison de la Terre. Qu'est-ce que c'est la Maison de la Terre? Alors, la Maison de la Terre, c'est un café culturel associatif qui a été créé en 2004, qui propose toute l'année des concerts, des théâtres, des expositions. Il y a un lieu pour des conférences, des projections et tout autre événement culturel, de rencontres aussi. Et les trois temps forts, c'est Terre de cœur, Terre de blues et Terre de jazz. Voilà. Il y a un projet un peu altermondialiste, à ce que j'ai cru comprendre, qui s'organise autour de la ruralité, du bio, tout ça. Voilà, disons que Frédéric Maquis, qui est le vice-président de l'association, il s'occupe de l'association 3PA et il a une école de transition écologique qui se trouve justement au siège de la GH à La Hague, qui s'occupe des jeunes qui sont en difficulté scolaire. Pour les réinsérer avec un métier qui est lié à la transition écologique. Bon, là, je ne veux pas trop m'étaler parce que c'est du domaine de Frédéric. D'accord. Voilà, donc ils sont tous dans cette mouvance-là de tout ce qui est transition écologique, voilà, etc. D'accord. Donc la Maison de la Terre qui se trouve donc à Pontcharramé, au 7 rue des Hospitaliers, et donc que vous allez très certainement visiter si vous allez au festival Terre de Jazz. Oui. Quelques mots sur les partenaires. Vous êtes soutenu au festival Terre de Jazz? Oui, on a surtout la communauté de communes Cœur de Garonne qui nous soutient, puisque c'est une nouvelle entité maintenant. Et la région, et je pense qu'il y a aussi la SACEM et des particuliers. D'accord. Parce qu'ils sont conscients quand même qu'il y a, ça apporte, au point de vue culture, économique et touristique, un apport supplémentaire à la région. D'accord. Voilà. C'est un gros projet tout ça. On a hâte de découvrir en tout cas. Franchement, c'est un projet, pour résumer notre état d'esprit, c'est que nous on a les pieds sur terre, la main sur le cœur, parce qu'on fait ça avec bonheur, et la tête dans les étoiles lorsqu'on produit des artistes. Alors pour nos auditeurs, avant de laisser peut-être une petite question à Stéphane, la question, donc pour ceux qui seraient intéressés par le Festival Terre de Jazz ou même la Maison de la Terre, donc vous avez des sites web. Oui, www.terredejazz.fr ou alors www.lamaisondelaterre.fr. Voilà. Et là vous avez tout, vous avez le site, l'historique des artistes, les vidéos, tous les liens, la billetterie si vous voulez. Évidemment. Le festic, voilà. Et donc vous êtes présent sur les réseaux sociaux également? Oui, sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Et vous allez voir, c'est un site qui est fait par un professionnel, qui nous fait ça gratuitement. C'est CiviBox, c'est une boîte de communication. C'est d'ailleurs eux qui nous ont fait la très belle affiche. Oui. C'est une artiste américaine, Luc Nugent, qui ont eu le droit de la prendre et de la travailler. Alors si j'osais, allez simplement sur le site internet, rien que pour voir l'affiche déjà. Et tout le reste. Après, il y a la suite, mais voir l'affiche déjà, c'est quelque chose. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à... quand le festival a commencé, comment vous allez vivre cette première journée? Comment ça se passe entre l'accueil des... enfin, le travail des bénévoles, l'accueil des musiciens. Vous pouvez nous décrire un peu la tension qui monte, peut-être. Voilà, la tension qui monte. Bon, disons que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on fait dans les communes, c'est qu'on aménage la salle, hein, en partenariat avec tous les bénévoles. Et puis, vous avez les balances. Il y a le preneur de sang qui vient, on fait les balances, on discute avec les artistes, on mange avec eux. C'est ce qu'on recherche, c'est la convivialité de partager. Voilà. Et ensuite, quand vient le concert, je crois que c'est le moment fédérateur pour nous. Mmh. Je pense qu'ils nous le rendent bien, les artistes. Ils sont très généreux. Hein. Surtout les musiciens de jazz. Ça, c'est... Et de partout, c'est pareil. Comme on est mobile, on est itinérant, on fait un peu ça. Donc, le Fosseret, ça va être à Pocharmé, à Paysis et à Sainte-Foy-de-Pérolière, au moment des chapiteaux, parce qu'il y a un festival off gratuit, hein, il ne faut pas l'oublier. Il y a deux groupes, ouais. Et qui est fait par l'association Troisième Face, qui est une association toulousaine qui s'occupe des intérêts des artistes toulousains. Donc, vous voyez, on fait travailler le maximum les gens de la région. Voilà. Et ensuite, il y a un repas. Et il y aura donc le fameux hommage à Guy Lafitte. Je demande à ce que les gens viennent. Vous allez voir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hugues Foka, merci. Peut-être un petit mot de la fin avant de nous quitter. Écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Parce que comme je dis, c'est un festival qui est fédérateur et populaire. Parce que vous avez remarqué le prix des places, c'est 12 euros. 10 euros pour le demandeur d'emploi. Etc. Et c'est gratuit en dessous de 12 ans, ça permet aux familles de venir. Voilà. En plus, c'est familial. Fédérateur populaire, je pense que c'est la fin, le mot de la fin, je pense. Eh bien, Hugues Foka, un grand merci d'être venu nous parler du Festival Terre de Jazz et de la Maison de la Terre. Ouais, merci beaucoup. Peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. Qui sait. Pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Hugues. Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Out. Donc retour sur Radio Mon País, retour à la session reggae après cette interlude, notamment sur une interview pour présenter le festival qui aura lieu bientôt. Grand merci encore. Hein, grand merci encore. Du temps qu'il a pris pour nous présenter ce festival jazz. Ben, on espère que vous viendrez nombreux à ce festival jazz. Alors est-ce qu'il y aura Max Romeo ? Non, Max Romeo malheureusement ne sera pas là. On vient de l'écouter, donc Chase the Devil, le titre qu'on vient d'écouter. Donc si on peut présenter un tout petit peu Max Romeo, alors il s'appelait Max Smith. Il a commencé dans sa jeunesse à travailler dans une plantation de canne à sucre. Donc c'est un rapport aussi avec le blues, tout ce qu'on a pu entendre dans les émissions précédentes. Donc on vient d'écouter Chase the Devil, qui est un gros tube enregistré en 1978. Donc une fois écouté, c'est un titre vraiment qui est un peu mystique. C'est une sorte de magie noire pour beaucoup qui l'écoutent. Je sais pas si vous avez eu les mêmes sensations que nous, mais ce qui renvoie aussi à ce qu'on a vu sur le blues et la fameuse légende. Exactement. Du Crossroads, la légende du diable qui a appris à Robert Johnson à prendre. Donc on est toujours dans... Il y a des transitions à chaque fois qui reviennent. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce son de crécelle ou de criquet qui ponctue les 3 minutes 27. Je ne sais pas si on l'a entendu à la fin, mais c'est perturbant. Voilà. Je ne sais pas si on a pu l'entendre ensemble, mais moi, ça m'a perturbé personnellement. Pauvre petit. On revient sur les origines du reggae. On a vu le côté un peu spirituel. Là, purement musical. Le reggae, c'est les Caraïbes, c'est un mélange au départ de mento, calypso avec ce qui venait des États-Unis. Donc on retrouve rhythm and blues, soul. Et puis ça a donné une forme de musique un peu vive qui s'appelait le ska. Donc avant de détailler un peu comment on est passé du ska au reggae, on va écouter trois morceaux. Trois morceaux, c'est des morceaux courts. Dedans, il y a un Toots and the Metals, le premier, je crois, Julien. Tout à fait. Donc, ils sont les précurseurs un petit peu à la fois du ska et du terme reggae, de ce que tu m'expliquais. Oui, alors, c'est les premiers qui ont introduit le mot reggae dans un titre. Donc, 12 reggae. Voilà, donc c'est mondialement connu et ils étaient vraiment à l'origine du mot reggae. Et ensuite, donc, Toots and the Metals, on enchaînera par Roy Paci, qui est, lui, trompettiste, qui n'est pas du tout jamaïcain, puisqu'il est plutôt sicilien. Trompettiste ska reggae, notamment qui a joué avec Manu Chao, ça se pose là. Et on finira par du ska britannique, un groupe phare du Two Tones, qui est le label ska, Selector, qui, ça sera la chanson The Selector. Une musicale, quoi. Donc on envoie les trois de ska et on revient pour parler un petit peu de comment on est passé du ska au reggae. Tout à fait. Toots and the Metals, notamment Fucking Kingston, une musique que vous allez apprécier, c'est sûr. Reggae. I do. Any. Toots on the metal, Funky Kingston. And this kind of Miss Kingston right now. Yeah, man, you sound like you're born in Castle City, man. With that accent, man. Donc on vient d'écouter The Selector, c'est ça ? Selector, ouais. Selector. Juste une petite précision, voilà, sémantique, mais vous allez voir que c'est pas anodin. Dans le reggae, souvent ce qui apparaît en Jamaïque, le Selecta et le DJ. Et le DJ, comme on l'appelle chez nous, en Europe. DJ Bizou, par exemple. DJ Bizou, par exemple, mm-hmm. ou DJ Benito, qui est au platine en ce moment. DJ est souvent le chanteur. Donc c'est inversé par rapport à chez nous, par rapport notamment au hip-hop, qu'on va présenter dans quelques mois. Stéphane. Oui, le hip-hop, oui, c'est ce programme. On sait pas quand, mais il y aura une dans la logique, on devrait arriver. On est parti du jazz, du blues, et on devrait arriver au hip-hop en passant par le reggae, par d'autres choses, mais on devrait y arriver. Ouais. On revient sur justement le reggae, donc le ska, le reggae. Donc on a vu le ska. Alors on est passé du ska au reggae. Bah, simplement, ça a beaucoup ralenti le rythme. Alors la légende, entre guillemets, voudrait que justement les sons de système qui jouaient du ska des années 60, ça finissait souvent par des bagarres. Et donc, pour calmer un peu tout le monde, on a ralenti le rythme. Et le premier ralentissement, ça a donné du rocksteady. Et le deuxième ralentissement, c'était pas suffisant apparemment, on est arrivé au reggae. Et ces gens qui étaient un peu turbulents dans les sons de système, on les appelait les rude boys. Ou Rudy. Alors, c'est des termes qui ont été repris très souvent par le ska, justement, ce qu'on a entendu des sélecteurs, ou les specials qui ont fait Message to You, Rudy, ou même des groupes punk qu'on verra plus tard, ou pas. Et donc, cette notion de rude boy a été, exportée en Angleterre, avec la migration jamaïcaine dans les ghettos, notamment de Brixton ou de Clapham, dans le sud londonien. Et donc, les rude boys, c'était un peu les petits lascars de banlieue, comment on dit, quoi. Mais ils ont apporté aussi la musique jamaïcaine, là-bas, à Londres. Alors, il y a eu plusieurs entrées, plusieurs personnes qui ont développé un peu tout ça. Là, on va vous mettre deux morceaux de musique, reggae britannique. Le premier Steel Pulse, qui est un groupe assez mythique. Tu veux nous dire un peu plus? Je vais vous en dire deux mots sur Steel Pulse. Bon, Steel Pulse, ils sont imposés comme la figure emblématique de l'engagement politique outre-Manche, aux côtés des Clash, notamment, dans un autre style, mais les Clash qui ont participé au reggae. Et de la très bonne musique. Et récemment, notamment, Steel Pulse, ils ont créé une chanson. Vous allez voir que Ça a parlé de toutes les émissions qu'on a fait. Ils ont créé une chanson, Vote Barack, notamment en soutien au candidat démocrate à l'époque, Barack Obama, aux élections présidentielles américaines de 2008. Donc ils sont très engagés. Très engagés, mais ce n'est pas la chanson qu'on écoutera, par contre. Non, du tout. Mais... c'est vraiment une digression que je fais. Non, ils se sont engagés également dans les révolutions qu'il y a eu en Tunisie, en Égypte et en Libye. Les printemps arabes. Tous les printemps arabes qui sont déroulés il y a quelques années. Mais c'est un peu l'idée, si on doit faire un parallèle entre le reggae jamaïcain ou le reggae britannique. Le reggae jamaïcain, ce qu'on a entendu depuis le début, à partir de jazz, petite parenthèse, c'est plus spirituel. Enfin, il y a une côté oppression, mais on verra avec le dub, où là c'est un peu plus revendicatif. Par contre, le reggae britannique, lui, très était politique. Beaucoup plus dur et beaucoup plus politisé. Exactement. Tu parles de Steel Pulse, on va écouter aussi à la suite de Steel Pulse, El Kaji, qui est ce qu'on appelle un poète philosophe révolutionnaire. Enfin, vous écouterez, c'est du parler, c'est du... et donc le rock britannique est beaucoup plus dur en fait, en soi, que le reggae, je veux dire, britannique est beaucoup plus dur en soi que le reggae jamaïcain, qui lui est spirituel, ou très love-love. On entendait un morceau Night Nurse, le mec il parle d'une infirmière de nuit, enfin voilà quoi. Donc il y a vraiment ces deux tendances. Il pouvait être chaud aussi, oui, tout à fait. Ça n'engage que toi. En tout cas, on en voit sur le rock britannique engagé, côté Brixton et autres. Et on enchaînera avec... Ah oui. We'll be right back. the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Call them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till them life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone. But his memory lingers on. Oi, people of England. Great injustices are committed upon this land. How long will you permit them to carry on? Is England becoming a fascist state? The answer lies at your own gate, and in the answer lies your fate. Blue Dirt Roots, toujours spécial reggae avec petit passage de jazz local. On continue sur le reggae britannique. On a vu le côté jamaïcain, Brixton, et ça a été repris donc par les groupes locaux, un peu plus locaux, je veux dire, notamment les Clash, qui étaient un des groupes blancs à amener le reggae à faire country reggae. Il n'y a pas que lui. Je fais un petit quiz, on n'aura pas le temps de le passer, on verra. Mais il y a un autre groupe, c'est dommage. On oublie parfois. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bref, dans la période punk, il y avait les groupes punk étaient plutôt engagés politiquement. Ceux qui étaient engagés politiquement revendiquaient leur attachement et leur inspiration au reggae. Donc, on va vous envoyer deux morceaux. Le premier, c'est Clash avec Bankrober. Le deuxième, c'est un morceau qui, à la base, est écrit par un groupe très peu connu, punk de cette époque. Qui s'appelle The Ruts, qui s'appelle Jawar, donc la guerre de Dieu. Et donc c'est une reprise en fait d'un groupe stéphanois qui s'appelle Le Gueule Noir. Donc ça sera en situation live avec un bon son bien enregistré. On envoie le son britannique, Clash et Le Gueule Noir. Petite question Stéphane, t'as fait anglais LV1 ou... Envoie la musique. Donc on vient d'écouter Gueule Noire, groupe mythique stéphanois, avec une reprise de The Wets. Donc maintenant, nous allons passer... le reggae a été également utilisé et diffusé dans le continent africain. Donc Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, notamment. Un retour aux sources. Tiken Jah Fakoly, un Ivoirien, mais très connu en France. Donc on va écouter une musique. Tiken Jah Fakoly joue une musique pour éveiller les consciences. Donc les paroles de ses chansons parlent souvent de beaucoup d'injustices, notamment dans son pays, et également dans le continent africain dans son ensemble. Donc une musique qui éveille les consciences. Et quand on disait précédemment que la musique reggae était politisée, notamment Tiken Jah Fakoly s'est opposé au président ivoirien, qui l'a déclaré persona non grata. Alors, en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, mais c'est pas pour te planter, mais c'était le président, c'était Oumfouad Boigny. Non, c'est le président Wade qui est élu depuis peut-être 20 ans ou 30 ans, je sais pas. Ça a vérifié. Il a été déclaré persona non grata en raison de ses déclarations fracassantes dans ses chansons. C'est une personnalité très engagée. Donc on va écouter tout de suite Mon pays va mal de Tiken Jah Fakoly. Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est... Alors Pierre-Julien, tu reviens parmi nous pour Bonjour, faire une petite digression sur le reggae. Après cette petite interview, t'écoutons. C'était sympa. Ouais, une petite digression. Alors on va finir dans la bonne humeur avec les Beatles. Pourquoi les Beatles et surtout quel titre? Pourquoi On va écouter Obladi Oblada. Et en fait, l'histoire de cette chanson, elle est rigolote parce que en fait, le reggae, c'est pas l'apanage de tout un chacun. Il faut savoir en faire. Et malheureusement, quand on a envie de faire un reggae et qu'on n'y arrive pas, et ben, il se passe ce qui se passe avec Obladi Oblada. C'est-à-dire qu'on avait les Beatles qui étaient dans le studio, donc sous la houlette de George Martin à l'époque, hein, mort depuis, bien entendu, comme certains Beatles d'ailleurs. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va amener ce putain de reggae. Non, mais et puis John Lennon il se barre comme ça, il en a marre, il en peut plus. Ça fait des heures et des heures qu'il travaille au Bladi Oblada. Il est caractériel. Quand tu m'as pourri ma transition, j'ai failli partir comme ça, comme John Lennon. Mais t'es pas revenu comme lui parce qu'il revient une heure après John Lennon. Avec un tube. Il est complètement arraché. Il a pris des produits. Ça, ce sont des personnes de caractère. Bon, voilà, sans commentaire. Et puis, il arrive dans le haut du studio d'Abbey Road. Et puis, il hurle à travers le studio. J'ai trouvé comment on va l'amener, cette putain de chanson. Il s'installe au piano et... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Benoît. Simplement, il va falloir qu'on se quitte sur cette émission hybride, un peu hybride, reggae-jazz. On revient sur les ondes de RMP le dernier vendredi d'avril, qui doit être autour du 26 avril. C'est ça, vendredi 26 et avril. Et là, on va commencer la triptyque jazz, qui nous amènera du jazz, j'imagine, à partir de la Nouvelle-Orléans. Enfin, en tout cas, on y passera par là-bas. On passera aussi du côté de Latin jazz, mais ça sera plus tard. On va parler de bebop, de swing, de free jazz, de jazz modal, de latin jazz. On va revenir aux roots, aux racines. Ouais. Et avec des invités, on espère. Le groupe Lysiane Scalac Trio qui devrait nous jouer quelques chansons en live et qu'on interviewera. Mm-hmm. Voilà. Et qui pour rappel, passe au festival Terre de jazz. En avril. Donc, absolument. Et nous fera peut-être un petit topo sur le jazz. Donc voilà, on reprend sur le jazz, sur la musique afro-américaine. Et on vous dit à dans un mois, le mot de la fin, bisous. Bisous, bien sûr. Bisous. Merci à tout le monde, à Benoît surtout, à la technique, ouais, qui a assuré. Et on se retrouve dans un mois. Bonne soirée à tous.